Bonjour et bienvenue dans ce cinéphage un peu spécial puisque ce sera un hommage à Pierre Poulin, un ami de cinéphage et radioactif qui nous a quittés il y a quelques jours. Pierre était un ami cinéphile qui avait participé à cinéphage avec un spécial Trois Mousquetaires et comme chroniqueur pour un spécial Robert Redford pour cette émission. Je pensais aussi pouvoir faire appel à lui pour de futures collaborations ponctuelles à des émissions, vu son plaisir à parler du cinéma chaque fois qu'on se rencontrait. Et puis, il avait un peu sympathisé avec l'équipe de Radioactive. Donc, je vous propose donc un hommage rediffusion et avec une dernière séance avec l'ami Pierre. Donc, nous allons avec lui évoquer ses goûts cinématographiques et la filmographie autour du thème qu'il chérissait, qui était les Trois Mousquetaires, le roman internationalement adapté du célèbre écrivain Alexandre Dumas. Et puis, Pierre n'avait, comment pouvoir le découvrir, et était vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un cinéphage, puisqu'il regardait un peu de tout, il regardait aussi des séries. Donc, voilà, on a décidé d'un commun accord avec les membres de Cinéphage de lui faire ce dernier hommage. Donc, je vous propose tout d'abord de commencer par cette rediffusion de l'émission Les Trois Mousquetaires spécial Cinéphage. Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce cinéphage spécial Trois Mousquetaires. Pour cette émission, je serai accompagné de Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Alain. Avec lui, nous allons évoquer ses goûts cinématographiques, bien sûr, comme dans tout cinéphage, et la filmographie autour du thème des Trois Mousquetaires, le roman internationalement adapté du célèbre écrivain français Alexandre Dumas. Alors Pierre, quelle est ta profession dans la vie ? Ma profession, c'est très simple. Moi, je suis donc indépendant. Je suis ce qu'on appelle manager d'opportunités dans le domaine du bien-être et qui se permet de, comment dire, aujourd'hui, d'apporter une solution alimentaire à la population française et à différents sportifs. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, il y a maintenant quelques années, de m'occuper de la Fédération française de judo et rencontrer les différents sportifs à l'INSEP à Paris, quoi. Donc, très intéressant, je pense. Très intéressant, un marché aujourd'hui qui est en pleine évolution, quand on parle effectivement de l'alimentation aujourd'hui qui n'a plus la valeur nutritionnelle et qui, effectivement, est automatiquement, quelque part, l'état de santé dans lequel... Voilà, il y a le côté santé, le côté sportif qui a évolué, en exactement. Effet, parce qu'on voit que si on a des champions beaucoup plus jeunes et aussi performants, c'est aussi que la diététique, c'est terminé l'époque où on mangeait que des bananes ou des... Ça a beaucoup changé. Mais voilà, ça a beaucoup changé, et donc c'est intéressant. Il y a surtout une prise de conscience, je pense, aujourd'hui, des gens, de se dire, attention, l'alimentation, c'est notre meilleur médicament, et ça vend tout ça. Quoi. Et non seulement comme, pour les sportifs, mais pour tout monde en général, c'est ça l'important. Absolument. Eh bien, sinon, quelles sont tes autres passions et puis hobbies dans la vie ? Alors moi, mes hobbies, c'est très simple, c'est tout ce qui est montage vidéo aujourd'hui, donc d'ailleurs, on peut regarder sur mon Insta, sur mon Facebook, où je travaille avec des logiciels comme Adobe et After Effects. Je travaille sur fond vert, enfin sur tout ce qui se passe dans le domaine du cinéma, et je travaille avec un drone, avec une GoPro, enfin voilà, avec tout ce qui est accès au cinéma, quoi. Oui, on a eu d'ailleurs l'occasion de voir ta démonstration de drone, on avait fait une petite organisation avec un groupe d'amis, voilà. Et tu nous avais fait une super démonstration de drone, et c'est vrai que c'est assez impressionnant après de voir les résultats. Voilà. Et puis j'ai eu l'occasion aussi que tu fais du montage pour des artistes de temps en temps. Absolument, pour les artistes, en tout cas pour des amis, et effectivement, donc ça me permet de travailler avec des personnes qui sont dans le domaine professionnel, dans ce domaine-là, bien sûr. Et puis en lien avec la radio, je sais que tu es aussi un grand fan de musique. Un grand fan de musique, absolument, ouais, je connais, donc le même animateur que toi tu connais. Ouais, salut à Greg. Salut Greg, exactement. Et donc, un petit coucou, oui, en effet. Et puis, oui, je sais que tu vas à de nombreux concerts, que tu es passionné de Phil Collins, entre autres. Hein, exactement, c'est... Ah oui, ça sert, effectivement. Ouais. C'est un des points qu'on avait en commun, qu'on avait discuté une fois. Effectivement. Donc voilà, quelqu'un de très éclectique, hein, comme vous pouvez le voir. Alors là, on va aller un petit peu plus loin, on va remonter dans le temps. Quel est ton premier souvenir de cinéma ? Alors, mon premier souvenir de cinéma, en réalité, c'est pas réellement un souvenir de cinéma, c'est un souvenir de dessin animé de Walt Disney, c'était Bambi, que j'ai eu la chance de voir au Grand Rex à Paris. Donc, et d'ailleurs, j'y suis allé deux fois, c'était avec mes grands-parents, et c'était vraiment un moment vraiment inoubliable, quoi. Ouais, surtout le Grand Rex, c'est... Grand Rex, c'est une salle spéciale, j'ai eu l'occasion donc, plusieurs années après d'aller voir le Grand Bleu, et c'est vrai que c'est un format qui est absolument exceptionnel, quoi. Cette grande salle, c'est vraiment une grande salle de spectacle déjà avant tout, à l'époque, hein, parce qu'il y avait la féerie des eaux et tout, bon, qui n'est plus aujourd'hui, mais c'est vraiment une salle magique, quoi. Bah, c'est resté même une salle mythique, puisqu'on voit les gros événements, c'est toujours au Grand Rex. Hein. Ouais. Il peut y avoir de temps en temps des festivals ou des grandes occasions de ciné. C'est vrai que ça manque un peu à Tours. On avait l'Olympia et le Rex à l'époque qui étaient un peu ces cinémas à l'ancienne. Et c'est vrai que ça manque un petit peu, moi, je trouve. Alors, au moins d'avoir gardé... Une salle. Alors, il y a une salle, mais je pense que tu en parleras dans l'émission. D'ailleurs, c'est certainement le sujet qu'on abordera à un moment donné. C'est les formats des salles, les formats des films. C'est vrai que le format IMAX est quand même très, très sympa. Quoi. Donc, il se rapproche quand même du Grand Rex. Quoi. Alors, on va continuer justement par ton format favori de cinéma. Est-ce que tu es plutôt 3D, noir et blanc, VO, numérique, sous trad? Donc tu nous as parlé de l'IMAX. Donc... Alors, oui, ils ont carrément été. Moi, le format, c'est le format standard numérique, mais c'est vrai que pour certains films, entre autres en 3D, c'est vrai que c'est très très sympa. On est vraiment immergé dans le film. On vit le film complètement différemment. On se met à la place des acteurs ou des actrices, peu importe. Et c'est vraiment quelque chose de très très sympa. Maintenant, c'est vrai que comme tu expliquais ou que tu demandais, le noir et blanc, il y a un film qui est absolument formidable et qui est à voir. Si vous l'avez pas vu, c'est The Artist, qui est un film muet et qui est d'ailleurs assez déroutant parce que dans la salle, il n'y a pas de bruit du tout ou à la fin du film, en tout cas. Sans dévoiler, sans spoiler le film, mais c'est vrai que c'est des moments magiques, quoi. C'est franchement, mais en tout cas, le format standard est largement suffisant avec un très très bon son, par contre, et effectivement, ça permet d'apprécier le film à sa juste valeur, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que tu cites un noir et blanc récent, parce que pour pas mal de gens, le noir et blanc, ça reste les années 50 et oui. Avant. Mais Jean Dujardin a réussi à faire... j'ai adoré ce film. Avec Azanavicius, ouais. Refaire un film qui est un hommage justement à cette époque d'Hollywood du noir et blanc, des Charlie Chaplin, Buster Keaton ouais, et compagnie. Absolument. Donc c'est vrai que c'est un film à voir. Et d'ailleurs, les Américains ne sont pas trompés puisque c'est quand même... Il a eu l'Oscar. Voilà. Alors là, question plus générale, que représente le cinéma pour toi ? Bah, le cinéma pour moi, c'est vraiment quelque part une ambiance, un endroit où l'on peut vraiment apprécier l'impact d'un film, la qualité bien sûr de projection, le son comme je l'expliquais à l'instant. Je prends l'exemple par exemple de Top Gun, que j'ai vu en IMAX. Bah, je pense que sur un format différent, ça ne rendrait pas du tout la même chose, d'accord ? Très clairement, à partir du moment où, par contre, effectivement, quand on regarde les formats noir et blanc, bah, c'est vrai que c'est un petit peu différent sur le film de The Artist. Mais par contre, l'avantage, c'est que dans une salle de cinéma, en fin de compte, on est bien sûr dans le noir et le regard n'est pas distrait, quoi. Je veux dire par autre chose ou quelqu'un qui rentre dans la pièce. Donc, on est vraiment concentré et c'est ça qui fait que, effectivement, on peut apprécier un film à sa juste valeur. Dans l'immersion totale. Voilà. Exactement. Et je te dis effectivement précédemment comme quoi le 3D est vraiment donne cet effet vraiment assez impressionnant. Quoi. Alors, d'ailleurs, le film, j'ai mangé le nom, de faits spéciaux, tu sais, le Avatar. Voilà. Avatar, ouais. Avatar, oui, c'est le meilleur exemple pour la 3D. On a eu les tâtonnements de la 3D, hein, les premières 3D, ouais. Où, avec les fameuses lunettes OG bleues. C'est vrai que c'était plutôt un gadget, bon là maintenant c'est vraiment très sympa. C'est-à-dire que le dernier par exemple qu'on a vu, effectivement, si je ne me trompe pas, c'est peut-être on en parlera plus tard, mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Alors maintenant on va arriver ta petite sélection. Si tu avais un ou trois films préférés maximum, pourquoi ? Alors moi, les trois films préférés, c'était mieux. Y en a un que j'ai vu quand j'étais très très jeune, c'était à Paris, donc toujours à Bonne Nouvelle, c'était Midnight Express, qui est une histoire vraie. Je l'ai vu d'ailleurs 5 fois, on était avec un pote. C'est vrai que c'est un film assez spécial, assez prenant, quoi. Et je l'ai vu effectivement donc 5 fois. Après, il y a Star Wars, bien sûr, qui est de ma génération. C'est marrant parce que tu parles de Midnight Express, ça a été mon film culte pendant longtemps. Ah ben moi, c'est... Je l'ai vu en anglais, en allemand et en français. Et plus, il y a une musique de Giorgio Moroder qui est excellente. Ouais, c'est excellent, quoi. Je veux dire, c'est franchement. Et le pire, c'est quand on sait que c'est une histoire vraie, c'est un biopic. Malheureusement, c'est une histoire vraie. Alors, par contre, ça a fait une très mauvaise pub pour la Turquie pour aller passer ses vacances en Turquie à l'époque. Le geôlier turc, effectivement, il est pas resté dans le cœur de tout le monde, quoi. Les prisons turques, c'est pas le Club Med, hein. Non, c'est pas le Club Med, effectivement. Et après, donc, tu me disais. Bah, Star Wars. Qui est le film en été de science-fiction de l'époque par excellence, quoi, donc, et qui a vraiment changé la donne sur tout ce qui s'est passé dans les années après, quoi. Et puis le troisième, bien sûr, c'est Indiana Jones, qui pour moi est un film de référence, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est une transition, c'est le retour au film d'aventure des années 40, 50, 60. Exactement. Et avec la modernité, l'humour aussi, hein, parce que... Oui, il y a tout, quoi. Il y a tout. Le fait que ça se passe pas à notre époque aussi, c'est pas mal non plus. Et puis, c'est un peu les rêves exotiques d'aventure qu'ont eu les gens à une époque. Et puis, c'est vrai que c'est très bien réussi. Hein. Le casting, la réalisation, c'est vraiment... Bon, on va voir ce que ça va donner le prochain. Hein. On va voir le prochain, quoi. On l'attend tous, comme les gens qui sont fans d'Indiana Jones. Mais c'est bien que ce soit Harrison Ford, en fin de compte, qui a été choisi. Parce qu'à l'époque, comme on en parlait tout à l'heure, normalement, ça devait être Tom Selleck. Oui. Mais comme il faisait Magnum à l'époque, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, et puis il avait d'autres projets ciné qui étaient en prévision. Voilà. Et d'ailleurs qui ont été un peu dans le style Indiana Jones, mais ça n'a pas été le top. Non, ça n'a pas été comme effectivement ce que représente aujourd'hui Indiana Jones, quoi. Puis la musique en plus, est vraiment. Les cultes maintenant, toc. On entend les premières notes, comme Star Wars, on sait. C'est la musique de mon téléphone. Alors, quel est ton acteur préféré et pourquoi ? Alors, il y avait plusieurs acteurs, bien sûr, mais j'ai choisi un acteur français, je vais dire pourquoi, parce que, qui n'est plus aujourd'hui de ce monde, c'est Jean-Paul Belmondo, parce qu'on a eu la chance de le rencontrer lors d'une soirée qui avait été organisée dans le cadre de ma profession, dans ce qu'on appelle les trophées du bien-être, et il était là. Et c'est vraiment quelqu'un de super abordable. Alors par contre, effectivement, les journalistes qui étaient là, ils m'ont sauté dessus, et c'est vrai que c'était vraiment impressionnant. Et vraiment un personnage vraiment absolument adorable, quoi. Quand on voit sa filmographie de Pierrot le Fou, en passant par Le Professionnel, en passant par d'autres films, et le dernier qui est Un homme et son chien, je trouve que c'est une carrière absolument exceptionnelle. Alors, c'est marrant parce qu'il y a les deux grandes stars, et c'est l'image qu'on a, c'est la même époque, Delon Belmondo. Oui, c'est vrai. Il y en a un qui est, c'est marrant, qui vient d'un milieu culturel, son père était sculpteur. Oui. Et il a eu la chance d'avoir aussi Philippe Noiret, Rochefort, Marielle comme copains au théâtre, hein, à la comédie. Et donc c'est marrant de voir que ce gars-là est très populaire, alors qu'Alain Delon, qui vient d'un milieu plutôt modeste, a pris la grosse tête. C'est clair. Et pourtant, deux formidables carrières, mais comme tu l'as dit, et tu en étais témoin, c'est quelqu'un qui était encore abordable. Très abordable. Avec de l'humour, C'est pour ça, je pense qu'il a plu, toujours beaucoup plu au public français et international. Et international, bien sûr. Au niveau des actrices, est-ce que tu as quelqu'un qui te revient plus facilement ? Alors, les actrices, c'est mieux, il y en a plusieurs, bien sûr, mais il y en a une que j'aime bien, qui est une actrice étrangère, qui est Julia Roberts. Qui sera le thème, oui, le thème. C'est marrant, un des prochains cinéphages. Voilà, et c'est vrai qu'elle a ce côté jovial, ce côté, ce sourire qui est mythique, quoi, je veux dire. Puis il y a une filmographie qui est très sympa, je veux dire, que ce soit de Pretty Woman, Erin Brockovich, Ocean Eleven, l'affaire Pélican, Complot, c'est une multitude de films. Et de rôles, elle peut passer du drame à la comédie un peu plus légère, hein, comme Pretty Woman. Lisa, différents rôles qu'elle a pu jouer, et c'est vrai que c'est vraiment une actrice que je trouve sympa, en tout cas. Alors, au niveau des réalisateurs, est-ce que tu as des petits favoris ? Alors, les réalisateurs, c'est mieux ont été. C'est vrai que je n'ai pas réellement de favoris, mais c'est pareil, c'est mieux dans le cadre du Festival de Cannes, où on a eu l'occasion d'être invité. C'est ce que je t'expliquais donc, il y a quelques temps. Avec ma femme, quand on était invité donc, à la montée des marches sur un des films qui s'appelle Un prophète, on a eu la chance de voir passer Quentin Tarantino devant nous, donc avec le pas vraiment très, très engagé. Et après, on l'a revu, bien sûr, dans la salle. Enfin, on l'a aperçu, hein, parce que, bien sûr, on n'a pas eu l'occasion de discuter avec lui. Et c'était l'occasion aussi de cette fois où Isabelle Huppert était, d'ailleurs, présidente du festival du jury. Et vraiment un personnage, enfin, voilà, assez décalé, assez jovial, et puis vraiment déterminé, quoi. Vraiment, le gars, d'ailleurs, c'est exactement ce que l'on voit dans les films qu'il peut faire aujourd'hui, quoi. Ah ouais, ouais, c'est quelqu'un qui... Et puis, un cinéphage d'ailleurs, parce qu'il mange, comme on dit, lui il a vu tout. Il va aussi bien voir une série Z qu'un, d'ailleurs on le voit dans ses films, toutes ses influences, hein. Il va citer les films de Kung Fu, les western spaghetti, et mais aussi des classiques du cinéma. Voilà, c'est quelqu'un qui vit cinéma. D'ailleurs, en parlant de tout à l'heure, quand je te parlais de Jean-Paul Belmondo, c'est vrai, c'est quelqu'un qu'il a beaucoup apprécié, qu'il a un petit peu sur lequel il s'est basé pour certains des rôles de ses acteurs, quoi. Oui, c'est des films. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît les grands réalisateurs, c'est qu'ils vont pas se contenter de se regarder le nombril, comme on dit, et d'essayer d'aller voir un peu. Et en plus, un peu à la Stanley Kubrick, c'est-à-dire de choisir ses films, il prend le temps qu'il faut, choisir les acteurs qu'il veut. Voilà, c'est pas de la production à outrance où on produit un film, deux, trois films par an parce qu'il faut produire. Là, c'est voilà. Il en est arrivé maintenant à pouvoir dicter lui-même ses conditions. Et c'est vrai que dans le monde d'Hollywood, c'est vraiment un avantage. C'est effectivement un avantage, oui. Au niveau musique de film, est-ce que tu as une musique que tu adores écouter toujours avec plaisir? Oui, c'est « Il était une fois l'Amérique ». Ce morceau de flûte de Pan là, qui est absolument extraordinaire et que je trouve absolument magique. Quoi, je veux dire. Ah, Ennio Morricone, derrière. Ennio Morricone, bien sûr. Ennio Morricone, le film Sergio Leone. Donc, c'est, oui, bah c'est comme on dit toujours, hein, c'est comme Laurel et Hardy, on ne peut pas les séparer, ces deux-là. C'est les deux, voilà. C'est, même si chacun a eu une carrière sans l'autre à un moment ou un autre, mais on retient toujours les meilleurs films, c'est où ils sont là tous les deux. C'est clair. Eh bien, je te propose justement, on a parlé musique, de faire une première pause musicale avec une musique sur le thème du jour, celle des Trois Mousquetaires, la version de 93, All for One, One for Love, et c'était Bryan Adams, Rod Stewart et Sting qui étaient quand même à la manœuvre, donc c'est assez sympa. Sing it. When it's love you give, I'll be a man of good faith. When in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, there's a reason why. I'll prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain. Yeah, hey. Let's make it. Let your feelings show and make it all fine. Alors maintenant, on va commencer par... alors, quel est ton genre de film préféré ou que tu aimes bien en général? Donc, tu peux citer plusieurs. Bah, plusieurs, non, mais en réalité, c'est les films d'aventure, quoi. Films d'aventure et policiers, quoi. Voilà, c'est des... oui, bon... quand on parle d'Indiana Jones, quand on parle... voilà, donc, et policiers, tu serais plutôt policier thriller ou comme Le Silence des Agneaux, Seven, ou plutôt polar traditionnel? Plutôt polar traditionnel, ouais. Voilà. Ouais. Dont Belmondo, donc voilà, exactement. Belmondo de Londres, hein, ouais. Je pense, Borsalino, Le Professionnel. Exactement, je m'intéresse aussi aux autres, mais c'est. Voilà, c'est plus ta tasse de thé, comme voilà, nos amis anglais. Exactement. Par contre, quel genre de film t'aimes peu ou pas du tout? Alors, pas ou peu, c'est pas réellement le cas, c'est même. Enfin, les films d'horreur m'attirent pas tellement, quoi. J'en ai vu quelques-uns quand j'étais un peu plus jeune, c'est eux, mais ça m'attire pas, quoi. Donc, franchement, c'est pas des films vers lesquels je vais, quoi. Oui, c'est pas. C'est pas mon truc. C'est, voilà. Alors, maintenant, je vais te poser une petite question. Un film. J'ai peut-être une petite réponse, parce qu'on a déjà parlé tout à l'heure, je pense. Quel est un film qui t'a marqué en bien ou en mal et que tu te souviendras toujours? Joker, non? Non, je rigole. Non, c'est Midnight Express, bien sûr. Ouais. Midnight Express. Je m'en doutais un petit peu. Midnight Express, parce que je te dis, c'est vraiment. Assez prenant, comme tu l'as dit si bien. C'est spécial. Hein. En plus, ça, c'est dans une salle de cinéma. Il n'y avait pas beaucoup à Paris qui le jouait, donc je dis c'était la bonne nouvelle, donc c'était très simple, hein. C'était une petite salle de quartier, vraiment dans une rue, voilà, mais c'était vraiment... Alors, je sais pas si t'avais remarqué, enfin moi c'est à l'époque, si je suis surpris, c'est les gens qui quittaient la salle, il y a des films comme ça, c'est bruyant. Là, on va pas. Ouais. Et moi, il y avait un certain malaise. Tu sentais que les gens. C'est clair. Ils sortaient. Tu sors pas guilleré de ce film. Tu dis. Tu peux pas dire à l'antenne, par contre. Voilà. T'es là. Oh. Ouais, non, c'est sûr que tu sors, effectivement, le geôlier turc. Faut pas qu'il soit en face, quoi. Ouais, c'est... et on comprend qu'il y a eu un moment, oui, ce rejet de la Turquie. Parce que, bon, pour l'histoire, c'est. Il se fait arrêter pour la drogue, il sert de bouc émissaire, en exactement, fait. Exactement, ouais, c'est ça. Et puis, il prend X années de prison. Enfin, voilà, donc, puis dans une prison turque qui n'est pas, un palace. Quoi. Non, c'est loin d'être un palace. Donc, Et quand on sait que ça a légèrement, ça s'est légèrement amélioré, mais c'est encore ça pas dire, mais les, en tout cas, les prisons turques, pour avoir lu certains romans ou avoir certains documentaires, c'est pas encore le 3 étoiles. Hein. D'ailleurs, c'est, de toute façon, une prison n'est pas faite pour être un 3 étoiles. Si je te demandais le dernier film que tu as vu au cinéma, Le dernier film, il y en a deux ont été, c'est Fast and Furious, donc le 10. Donc en 3D, si je ne me trompe pas, donc je ne vais pas faire de pub, mais en IMAX. Et puis Jeanne du Barry. Alors, ton avis sur les deux? Les deux, Fast and Furious, on sait à quoi s'attendre, c'était mieux. Donc c'est vrai que là, on est vraiment dans les effets spéciaux, vraiment à outrance quelque part. Oui, oui. C'est un peu comme un James Bond, quand on s'attend, c'est les effets spéciaux, les courses mais poursuites. C'est vrai que le 3D apporte, cette, comme je te le parlais tout à l'heure, comme je te disais pardon, tout à l'heure, de l'immersion totale dans le film. Quoi. Donc, et Jeanne du Barry, c'est une histoire que je ne connais, enfin, le nom je connaissais bien sûr, mais c'est vrai que c'est bien interprété, et Emma Wen, donc qui joue le rôle et réalisatrice, hein, vraiment est extra dans le film. Quoi. Franchement, j'ai bien aimé. Quoi. Et Johnny Depp en roi Louis XV. En roi Louis XV, c'est son choix, c'est mieux. Donc c'est ce qu'elle expliquait d'ailleurs au Festival de Cannes. Maintenant, oui. Tu aurais choisi un acteur français? Moi, j'aurais plus choisi un acteur français, oui. Ouais. Ouais. Mais bon. Mais après, voilà. Donc c'est oui, c'est un choix. Après, c'est un choix. C'est son choix. Hein. C'est vrai que quand tu regardes dans les Trois Mousquetaires. Effectivement, il y a Cassel, il y a. J'ai les autres noms, mais. Pio Marmaille. Pio Marmaille, ouais, et puis le dernier qui a pu jouer, effectivement, c'est. Duris, Romain Duris. Ouais. Bon, ça, c'est les. On va en parler un peu plus tard tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un bon casting. Mais c'est vrai que. Pareil, moi je m'attendais à voir plutôt un acteur français traditionnel, entre guillemets, prendre ce rôle-là, mais bon, pourquoi mais pas. Mais hein. Il joue bien, c'est mieux, très clairement, il joue bien, c'est mieux, mais c'est vrai que c'est. C'est étonnant, c'est étonnant. Mais c'est le film est bien, le film est vraiment bien. Quoi. Alors, imaginons maintenant que tu fais une fête avec des amis, tu as envie de te faire une soirée cinéma, quels sont les trois films que tu leur proposerais? Eh bien, écoute, les trois films, c'est très simple. Bon, il y en a un dont on va parler aujourd'hui, c'est Les Trois Mousquetaires. Le deuxième, c'est Top Gun, de Maverick. Et le troisième, moi qui adore Elvis, ce serait Elvis. Alors, tu m'aurais dit, pourquoi pas Indiana Jones? Mais comme il n'est pas encore sorti, on va attendre un peu. Mais Elvis, ouais. Elvis que je suis allé voir. Le biopic. Ouais, c'est vraiment très, très sympa. Quoi. Vraiment bien. Donc là, c'est différent. Bon, c'est vraiment trois thèmes différents. Mais, ouais, c'est vraiment un film que j'ai... Enfin, trois films que j'ai vraiment adoré. Quoi. Après, c'est vrai que Top Gun Maverick, si tu ne le vois pas au cinéma... sur un format comme je te le disais donc tout à l'heure IMAX, ça rend pas du tout la même chose. Hein. Tu peux avoir le meilleur son chez toi, ça donnera pas ce que ça donne au cinéma. Et ça, puis, ça permet aussi aux plus anciens de faire une comparaison justement entre le premier. Ah oui. Entre et puis le second, on voit que les effets spéciaux justement, ça a changé. Hein, le film des années 80 était déjà pas mal pour l'époque. Ouais, c'est clair. Mais les effets spéciaux, il y en a, mais à mon avis pas tant que ça, parce que d'après ce qu'on comprend dans le making of, il a sélectionné, c'était mieux des acteurs qui pouvaient être effectivement dans ces avions, et c'est eux-mêmes qui se filmaient, avec bien sûr un pilote devant, hein, mais les cascades, c'est lui qui les fait. Donc c'est quand même, d'ailleurs comme dans le dernier qui va sortir, Mission Impossible, oui c'est vrai qu'ils ne travaillent pas forcément sur fond vert ou sur fond bleu en fonction de... C'est amusant parce qu'on peut faire un parallèle, on va y revenir à Jean-Paul Belmondo qui il faisait ses propres cascades. Exactement. Alors maintenant je vais te proposer le fameux portrait cinémois. Alors si tu étais un film... À moi, c'est Indiana Jones. Même si j'ai parlé des Trois Mousquetaires avant, c'est Indiana Jones. Si tu étais un acteur... Harrison Ford. Et si tu étais un personnage de film... Indiana Jones. Indiana Jones, ouais, là, c'est la ligne totale. Tu restais dans la ligne logique, c'était mieux. Voilà. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît dans le personnage? C'est le côté aventurier, et puis surtout un petit peu décalé, et puis qui ne se rend pas la tête, quoi. Qui ne se rend pas la tête, qui est vraiment... c'est... qui a cette connaissance, qui veut toujours découvrir, qui veut vraiment aller de l'avant et apporter effectivement donc son savoir quoi. Donc c'est très sympa. Voilà, ce qui est amusant, c'est que c'est au départ plutôt un rat de bibliothèque. On pourrait penser comme on s'imagine, non mais qu'on imagine les archéologues fourrés dans leur bibliothèque, à rechercher dans les livres, mais là c'est vraiment le gars de terrain en même temps. Que lui est vraiment sur le terrain, oui. Et puis son humour. Et puis voilà, c'est... Et sa faillibilité aussi, le fait que c'est... Il arrive à sortir à peu près de tous les systèmes, mais à un moment, il est vraiment en fâcheuse posture et il se met aussi des fois en fâcheuse posture. En fâcheuse posture. Bah, d'ailleurs, j'attends avec impatience le dernier qui va sortir le 28 juin, là, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, je ne vais pas dire la fin, mais c'est quand même un petit peu ça de toute sa vie, le résumé de sa vie de professeur, effectivement, et puis d'archéologue. Quoi. Donc, je pense que ça devrait être sympa, parce que la bande-annonce, La bande-annonce elle paraît sympa. Très, très sympa. Quoi. Et puis... Le casting, c'est pareil, hein. On a encore des bons acteurs. Bon, sans dévoiler, on sait que là, on va voir sa nièce. Oui, absolument. Donc, quid de la suite? On ne sait pas. Je ne sais pas s'il y aura une suite. C'est vrai qu'on en a aussi parlé, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que sans Harrison Ford, ça risque d'être pas la même chose, quoi. C'est ce qui est un peu logique, d'ailleurs. Eh bien, je te propose de faire une petite coupure musicale avec justement la bande originale de 2023 des Trois Mousquetaires et le morceau « La cour des Mousquetaires ». Eh bien, maintenant, nous allons passer, avant de passer au thème avec Pierre des Trois Mousquetaires, on va faire un petit peu nos fameux coups de cœur. Eh bien, mon premier coup de cœur vidéo, c'est Malveillance, un thriller espagnol de 2011 de Jaume Balagueró, avec Luis Topar dans le rôle principal, celui de César, qui est un gardien d'immeuble qui est toujours disponible, efficace, discret, disponible aussi pour s'immiscer dans la vie des habitants jusqu'à les connaître par cœur. Au départ, il est très discret, parce que quand il emploie ses nuits à détruire leur bonheur, il est efficace quand il s'acharne aussi jusqu'à l'obsession sur Clara, une jeune femme plutôt insouciante et heureuse. Et on voit que ce personnage est vraiment ce qu'on appelle un personnage toxique jusqu'au bout. Et c'est assez surprenant parce que on voit un personnage qui est pratiquement sans intérêt au départ, et on voit que en fait, c'est un esprit tordu et c'est très, très, très, très, très bien fait. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, si vous aimez les thrillers. Le coup de cœur rétro, bien, c'est un film, je pense que tu as vu, Pierre, Cartouche, de 1962, un film d'aventure donc franco-italien de Philippe Drocca avec Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Jean Rochefort, Jess Hahn, qui faisait toujours l'américain de service dans les films de cette époque, et puis Odile Versois, qui était une actrice qui fonctionnait très bien à l'époque. Alors, le film s'inspire du personnage de Louis-Dominique Cartouche, un réel brigand puis chef de bande qui a sévi à Paris à la Cour des Miracles au début du XVIIIe siècle, sous la Régence, donc sous le Louis Quint. Bah, alors donc, il était plutôt bagarreur mais charmeur avec un grand cœur. Cartouche va voler la paye du régiment où il avait été enroulé avec la douceur, donc Jess Hahn, et la taupe, ses meilleurs potes, et accompagné de la charmante Vénus, qui est jouée par Claudette Cardinal. Ils arrivent à Paris, où ils vont prendre le contrôle de la bande de Malico. Alors Malico, c'est un espèce de truand sur la Cour des Miracles, une espèce de sombre personnage. Donc, il détrousse les riches et les puissants à une certaine bonne humeur. C'était notre Robin des Bois national, on peut dire. Oui. Jusqu'à ce que Cartouche va tomber amoureux de la femme du lieutenant général de police, ce qui va lui faire prendre des risques de plus en plus grands. Et un jour, ben bien sûr, lors d'une embuscade, Vénus va se sacrifier pour sauver Cartouche. Et après son enterrement, ben, il va décider avec sa bande de la venger. Donc, si vous aimez les films de cap et d'épée, donc là, le thème qu'on a aujourd'hui, c'est Trois Mousquetaires, Cartouche était... assez bien fait et avec une bonne distribution. Oui, parce que c'est vrai que Claudia Cardinal et puis Jean Rochefort, effectivement, sont des acteurs et actrices vraiment avec une filmographie absolument extraordinaire. Quoi. Alors, mon coup de cœur news, c'est tiens, Eddie Murphy qui devrait incarner l'inspecteur Jack Clouseau dans une nouvelle version de la saga cultissime de La Panthère Rose. Et donc, il succédera donc à Peter Sellers, hein, qui a interprété à 6 reprises l'inspecteur français Gaffer entre 63 et 78. Alors, ce projet est en développement chez la MGM et va donc proposer une approche nouvelle. Cette fois-ci, ce sera une version hybride des prises de vue réelles et d'images de synthèse qui va intégrer la panthère rose anthropomorphe au récit. Et donc, après un épisode traumatisant, Clouseau va commencer à voir une panthère rose qui devient son amie. Donc, pourquoi pas un autre angle. Là, on a eu le droit au fils de la panthère rose avec Benigni. On a eu Steve Martin qui avait repris avec plus ou moins de succès le rôle. Donc, est-ce qu'Eddie Murphy va réussir à faire quelque chose? À voir. À voir, oui. Eh bien, maintenant, on va passer au thème du jour, les Trois Mousquetaires. Alors, Pierre, quel est ton film favori du jour sur ce thème? Par rapport au film des Mousquetaires? Oui. Bah moi, je dirais qu'il y a Cartouche, que j'ai vu, bien sûr. Après, c'est Meute à la fille de D'Artagnan. Et puis l'homme du masque de fer. Parce que c'est vrai que quand on regarde le nombre de mousquetaires, enfin des trois mousquetaires qui ont été réalisés et tournés, je ne pensais pas qu'il y avait autant de films tournés sur les trois mousquetaires. Quoi. Je t'avoue qu'en préparant l'émission, j'en ai vu pas mal, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant. Ah, on va le voir dans Quiz Vu Pas Vu, que c'est vraiment phénoménal. Ah oui, parce que là, franchement, hormis ces trois-là, les autres. Alors, quel est, selon toi, l'acteur qui représente le mieux le thème du jour? Ben, c'est vrai que Belmondo, j'irais bien Belmondo, mais... Ben Belmondo, c'était plutôt Cartouche, c'était... Plus Cartouche, pas... ouais, donc... sur les Trois Mousquetaires? Ouais. Moi, je trouve que Romain Duris est vraiment très sympa, quoi, dans D'Artagnan. Au niveau des musiques de films, quelle musique de film tu préfères? Là, on en a écouté quelques-unes. Est-ce que tu préfères la bande originale du dernier ou oui. Oui, parce que les autres, c'est mieux. J'ai eu l'occasion d'en écouter quelques-unes. Bon, alors c'est vrai que c'est pas les mêmes moyens non plus par rapport à une certaine époque. C'est mieux, mais celle-ci est très très sympa, quoi. Alors, justement, dans les personnages de D'Artagnan et des Trois Mousquetaires, qu'est-ce que tu préfères, D'Artagnan, Porthos, Aramis, Athos, ou bien, ça peut être Milady, le cardinal de Richelieu? Pour toi, quelle est la personne qui représente le mieux ce thème? Oh, je trouve qu'Aramis est vraiment très... Si je ne me trompe pas, c'est Romain Duris qui joue Aramis, non? C'est ça, hein? Mmh. Je trouve qu'il a ce côté expiègle, quoi, c'est mieux dans les Trois Mousquetaires. Alors bien sûr, les autres sont super bien aussi, c'est mieux. Mais c'est vrai que Romain Duris, en plus ça, il a une gueule d'acteur, quoi. C'est mieux. Donc franchement, je trouve que c'est lui, quoi. T'aimes bien. J'aime bien. Ouais. T'aimes bien le rôle joué par Romain Duris. Duris. Eh bien, je te propose de passer à nos fameux quiz vu pas vu. Bon, ce coup-ci, il y a beaucoup de choses. On va passer sur certains, qu'on va juste énumérer. Par contre, après, on va voir qu'il y a pas mal de choses. Alors, Les Mousquetaires de la Reine en 1903, voilà, un film muet, de Georges Méliès. Donc, déjà, Méliès, à l'époque, qui est quand même un des pères du cinéma français et même du cinéma fantastique, déjà à l'époque. Mais les bobines ont été perdues, on sait que ça a été fait, mais on n'aura pas la chance de les voir. D'accord. En 1909, Les Mousquetaires de la Reine, encore de Georges Méliès, alors celui-là, on peut le trouver. Les Trois Mousquetaires, donc un film muet italien de Mario Cassini. En 1912, Les Trois Mousquetaires, donc un film muet français d'André Calmette et d'Henri Poussias. En 1916, on a le droit aux Trois Mousquetaires de Charles Swickard. Et en 21, alors là, on va voir deux versions, celle des Trois Mousquetaires français en 12 épisodes d'Henri Diamant-Berger et les Trois Mousquetaires américains de Frédéric Nimmo avec un certain Douglas Fairbanks, donc un des as du cinéma muet d'aventure de l'époque. Et en muet à l'époque, oui. Ensuite, nous avons le droit au premier que j'ai vu, pour moi, pour ma part, c'est celui de 1922, Les Trois Mousquetaires, le film américain de Max Linder, qui est une parodie, pareil, en noir et blanc. Max Linder, qui a été un des... de l'époque de Charlie Chaplin, Laurel et Hardy et compagnie, et c'est vraiment... Buster Keaton, hein. Voilà, moi j'avais bien aimé cette petite version assez marrante. Ensuite, en 29, on a Le Masque de Fer, encore un film muet. En 32, Les Trois Mousquetaires, film français muet d'Henri Diamant-Berger, en deux époques. En 33, Les Trois Mousquetaires, film américain de Colbert Clark et Amanda Schaeffer. Et en 36, Les Trois Mousquetaires, film américain. Donc, on voit que régulièrement, au début du XXe siècle, c'était très usité. Tous les ans, tous les deux ans, effectivement. Voilà. On a le droit aux Trois Mousquetaires, les Trois Loufquetaires, hein, carrément. Film musical américain d'Alan Dewan avec Don Ameche dans le rôle de D'Artagnan. Donc, plutôt une parodie, pourrait dire, parodie musicale. En 39, on a L'Homme au Masque de Fer, une première version qui a eu l'Oscar de la meilleure musique de film à l'époque. En 41, on a Les Trois Mousquetaires, un film égyptien de Togo Mizrahi, vraiment international, hein, comme on peut le voir. En 42, bien, on a le droit à une version mexicaine de Miguel et Delgado et aussi Los Tres Mosqueteros de Julian Saracemi. Voilà, ça c'est des films, j'avoue, je ne les ai pas vus. Et moi non plus, hein, je peux te dire. Le premier le deuxième, puisque j'avais vu celui de 22. En 48, il y a Les Trois Mousquetaires, film américain de George Sidney, ah oui, avec Jane Kelly oui, dans le rôle de D'Artagnan. Lara Turner, June Allison, Vincent Price, le spécialiste des méchants qui là joue le cardinal Richelieu, Van Helsing dans le rôle d'Athos, et voilà, donc la première version que j'ai vue, et j'avais une petite anecdote, j'avais un mini-film 8 mm que ma grand-mère avait et me passait de temps en temps, donc c'est comme ça que j'ai connu ce premier film. Ensuite, on a Le Fils de D'Artagnan en 49 de Ricardo Freda. C'est Le Fils de D'Artagnan, comme son nom l'indique, hein, comme on a eu le droit au Fils de Robin des Bois et compagnie. En 61, Les Épées de D'Artagnan de Bud Boticher. En 52, on a eu Milady et les Mousquetaires de Vittorio Cotavalli, donc une version italienne. Les Fils des Mousquetaires de Lewis Allen. En 1953, on a Les Trois Mousquetaires, le film d'André Hunebelle, je pense que tu l'as peut-être vu, avec Georges Marchal dans le rôle de D'Artagnan, et Bourville qui jouait Plancher, son valet. Alors j'ai dû voir des extraits, comme celui d'ailleurs précédemment que tu as évoqué avec Jane Kelly. J'ai dû voir à une certaine époque, effectivement, alors te dire exactement les scènes, je ne sais plus, mais oui, effectivement, je me souviens un peu aussi de Bourville. Ensuite, Le Vicomte de Bragelonne de Fernando Séricault. Bon, j'ai eu l'occasion de le voir. Bon, ça se passe à la même époque. On évoque plus ou moins D'Artagnan. En 61, on a le droit aux Trois Mousquetaires de Bernard Bordery en deux époques, puisqu'on a avec Gérard Barret qui jouait souvent dans des films de KPDP. Hein, on l'avait vu dans Surcouf, entre autres. Mylène de Mongeau qui joue Milady de Winter. Donc c'était à la grande époque de Mylène de Mongeau, où après elle a joué Fantomas. Voilà, c'était une des stars de l'époque. Exactement. Georges Descrières, le futur Arsène Lupin dans la série Arsène Lupin, qui jouait Athos. Et puis, un film qui avait eu un certain succès au cinéma à l'époque. En 62, on a Le Masque de Fer d'Henri Decoing, où c'est Jean Marais qui joue D'Artagnan, et Jean-François Porrin qui va jouer Louis XIV, et aussi Noël Roquevert, qui était un des acteurs, à l'époque, on a pu voir aussi dans Fanfan la Tulipe, qui jouait le sergent recruteur. Et donc, c'est assez... J'ai dû le voir aussi. Celui-là, oui, il est passé régulièrement à la télé. Il est passé, oui. En 64, un croisement entre Dumas et Rostand, puisque Cyrano et D'Artagnan, d'Abel Gance, avec Jean-Pierre Cassel, José Ferrer, Philippe Noiret et Michel Simon. Je ne sais pas si tu l'as vu, moi, je l'ai vu, c'était assez marrant de mélanger ces deux personnages fictifs de romans. Je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que Philippe Noiret, moi j'adore comme acteur, et bon, je ne me souviens pas réellement de l'avoir vu. Alors, dans les années 70, c'est les années hippies et du grand n'importe quoi. On a eu le droit à Les Rangers, défilé karatéka, alors rien que le titre. Tutti per uno, beauté per tutti, un film italien de Bruno Corbucci, spécialiste de tout ce qui est un petit peu les films western spaghetti. Et c'est une adaptation très fantaisiste qui transpose les personnages dans l'univers, justement, du western spaghetti. Donc... pardon, à l'époque on osait tout. Oui. En 73-74, Les Trois Mousquetaires et On l'appelait Milady, un film américain en deux parties de Richard Lester, que tu as sûrement vu, celui avec Michael York qui joue D'Artagnan, Oliver Reed Athos, Richard Chamberlain joué Aramis, et Frank Finlay joué Porthos. Et Faye Dunaway qui jouait Milady. Et voilà, Faye Dunaway, Raquel Welch qui jouait Constance. Donc Géraldine Chaplin jouait Anne d'Autriche, Jean-Pierre Cassel jouait Louis XIII, Christopher Lee, le super méchant, jouait Rochefort, et même Charlton Heston qui jouait Richelieu. Donc on a eu un troisième volet qui a été réalisé en 89 qui s'appelait Le Retour des Mousquetaires, là qui est vraiment librement inspiré d'Alexandre Dumas. Je ne sais pas si tu as vu cette version. Non. Parce qu'elle passe souvent à la télé. Ensuite, bah, toujours les années un petit peu où on se permet tout. 74-75, on a Les Quatre Charlots Mousquetaires et Les Charlots en Folie, Anne IV Cardinal, donc d'André Hunebelle. Alors c'est marrant, André Hunebelle était un spécialiste des films de cap et d'épée dans les années 60. D'accord. Et avec des films, justement, avec Jean Marais et compagnie. Et là, c'est vraiment, bon, bah, les Charlots mis à la sauce mousquetaire avec l'humour un peu potache. C'est vraiment adapté, quoi. Et je me souviens la fameuse scène où les. En fait, eux, ils jouent les valets des mousquetaires et qui, bien sûr, avec leur connerie légendaire. Aide leur maître, tant bien que vaille. Bon, il y a la fameuse séquence avec les écrevisses qu'ils mettent dans les pantalons du garde du Richelieu. Et donc, c'est la folie. Et on a un certain, comment il s'appelait, Paul Prébois, qui joue un abbé sadique qui aime la torture. C'est vraiment du gros délire. Ensuite, on a Le Cinquième Mousquetaire de Ken Annakin. Petit film. En 89, Le Retour des Mousquetaires, dont on a parlé tout à l'heure. En 93, on a une version des Trois Mousquetaires avec la production Disney, et c'est Stephen Herrick qui était à la direction. On a retrouvé Chris O'Donnell dans le rôle de D'Artagnan, Kiefer Sutherland qui jouait Athos, qu'on a retrouvé plus tard dans la série 24 heures, entre autres. Oliver Platt qui jouait Porthos et Charlie Sheen qui jouait Aramis. Tim Curry, le fameux clown de ça dans la version téléfilm, a joué le cardinal de Richelieu, un habitué des méchants. On a Rebecca de Mornay qui jouait Milady de Winter. Et Gabrielle Anwar jouait Anne d'Autriche. Et on avait aussi Julie Delpy, la française, qui jouait Constance Bonacieux. Donc celui-là, j'ai trouvé pour un Disney, c'était bien assez suivi, contrairement à d'autres qu'on va voir plus tard. La fille de D'Artagnan, le film français de Bertrand Tavernier, justement, avec Sophie Marceau, Philippe Noiret et Claude Rich, qui reprend les personnages du roman, mais n'est pas une adaptation du roman. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là. Si, je l'ai vu celui-ci. Moi, j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Oui, c'était sympa. Et puis, effectivement, Sophie Marceau tient bien son rôle. C'est mieux de la fille de D'Artagnan, de Philippe Noiret. Puis quoi, Philippe Noiret en D'Artagnan vieillissant. Ouais, il est vraiment... Et c'est... Moi, j'ai trouvé que c'était bien adapté. En 98, on a le film américano-britannique de Robert Wallace avec Leonardo DiCaprio, donc sur le thème du masque de fer. C'est Leonardo DiCaprio qui va jouer Louis XIV et son jumeau Philippe. On nous explique la fameuse théorie selon laquelle le masque de fer serait quelqu'un qui aurait eu un jumeau. Enfin, c'est le roi qui aurait un jumeau. Absolument. Très bien fait d'ailleurs comme film. Un bon casting, puisqu'on a retrouvé Jeremy Irons qui jouait Aramis, John Malkovich Athos, notre Gérard Depardieu national jouait Porthos et Gabriel Byrne jouait D'Artagnan. Et encore une petite française, c'était Judy Godrèche qui jouait Christine de Belfort et Anne Parillaud qui jouait la reine mère Anne, Anne Parillaud qu'on avait eu dans Nikita de Besson entre autres. En 2001, il y a un D'Artagnan, The Musketeer, un film américain de Peter Williams, avec Justin Chambers, Tim Ross et Catherine Deneuve, qui reprend les personnages du roman dans une version un peu différente de l'histoire originale. Donc c'est assez intéressant de voir Catherine Deneuve dans ce rôle en costume. Eh bien, je te propose de faire une dernière pause musicale, celle de la BO de La fille de D'Artagnan, de 94, donc avec Philippe Noiret et Sophie Marceau. Et là, ça sera le morceau La fille de D'Artagnan, une musique signée par un des compositeurs français très célèbres, Philippe Sard. En 2011, Les Trois Mousquetaires, The Three Musketeers, en 3D, donc un film anglo-allemand, anglo-franco-allemand, excusez-moi, de Paul S. Anderson, avec Logan Lerman dans le rôle de D'Artagnan, Matthew McFadden jouait Athos, Ray Stevenson Porthos, Luke Evans Aramis et Mila Jovovich qui jouait Milady. Christopher Valls, un des grands méchants spécialistes des films de Tarantino, jouait Richelieu. Matt Mikkelsen, aussi un spécialiste des méchants, là, jouait Rochefort. Juno Temple jouait le rôle d'Anne d'Autriche. Je sais pas si. Et Orlando Bloom jouait Buckingham. Alors, le film le plus foutraque sur les mousquetaires que j'ai vu, avec les Anglais et les Français qui se battent à coups de dirigeables. Ça finit sur Notre-Dame, donc maintenant on a une explication pourquoi Notre-Dame aurait pu brûler quelques années avant. En voyant ce film, on a l'impression de voir un James Bond au temps des mousquetaires, et c'est un peu trop, un peu too much quoi. C'est un peu décalé par rapport à la. Voilà, alors faut voir ça avec un esprit. Un peu de recul quoi. Voilà, disons que c'est les Américains qui font du cinéma. qui interprète la France. La France, ouais. Et donc là, il faut avoir beaucoup d'imagination, et ils en ont eu beaucoup pour celui-là. En 2013, Les Trois Mousquetaires, un film russe de Sergei Yugonov avec Rinal Makhnov dans le rôle de D'Artagnan. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais en général, les films de costumes des Russes sont très, très bien faits. Tout ce qui est film historique, ils sont assez doués, alors j'espère pouvoir un jour tomber dessus. En 2023, alors là, tu vas nous en parler un peu plus parce que tu l'as vu, Les Trois Mousquetaires, le fameux diptyque d'Artagnan, qui sera suivi de Milady, qui est réalisé par Martin Boulon, avec François Civil dans le rôle de D'Artagnan, Vincent Cassel dans Athos, Pio Marmaille dans Porthos, et Romain Duris dans Aramis, et Eva Green, la fille de... Qui joue Milady. Qui joue Milady, Louis Garrel qui joue Louis XIII, Lina Koudry qui joue Constance Bonacieux, Vicky Krieps qui joue Anne d'Autriche et Oliver Jackson Cohen qui va jouer Buckingham. Et dans la seconde partie, on aura Alexis Michalik qui jouera dans la deuxième partie Milady, puisque quand on l'avait interviewé à l'époque pour Cinéphage pour son dernier film, juste avant qu'il présente les Molières, il nous avait expliqué qui jouait dans la deuxième partie. La deuxième partie, d'ailleurs, qui sort le 13 décembre, si je ne me trompe pas, ouais. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce film ? Ben, moi, c'est ce que je te disais. Donc, les autres films, effectivement, j'ai eu l'occasion d'en voir certains. Mais c'est vrai que celui-ci, il y a ce côté, tu sais mieux, de la caméra. On est vraiment dans le mouvement des acteurs. Et ça donne vraiment une vision complètement différente du film. Et puis, c'est vrai que Enfin, c'est vraiment très très bien joué, quoi. C'est mieux que ce soit Romain Duris, que ce soit effectivement donc Pio qui joue Porthos, Vincent Cassel qui a une gueule, quoi. Je veux dire, toi, voilà. Donc, non, puis les acteurs qui ont déjà un petit peu de métier, qui ont un peu de métier. Puis Louis Garrel dont tu parlais tout à l'heure, qui joue Louis XIII, effectivement, il a cette stature qui fait que il est très très crédible. C'était mieux dans le rôle d'un roi un peu arrogant. Puis alors Eva Green, c'est mieux, voilà. Cette personne qu'on va découvrir effectivement dans la deuxième partie, mais qu'on aperçoit déjà très très bien dans la première, qui joue bien vraiment son rôle, quoi. Donc, non, c'est vraiment un très très beau film à voir. Vraiment un très beau film à voir. Par contre, en format, effectivement, il me semble qu'on l'a vu aussi en format IMAX. Ouais. Eva Green, ouais, ce que je pensais, je voulais dire tout à l'heure, je cherchais, c'était la fille de Marlène Jobert. Ah oui, absolument. Voilà, absolument. Donc c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Parce qu'on parlait aussi de Belmondo, elle avait été dans Les Mariés de l'an 2, elle était l'épouse de... Et justement, pour préparer l'émission, pour moi, Eva Green, toi, je pensais que c'était une actrice américaine. Et effectivement, en regardant sur son... Sa biographie, je dis, mais oui, effectivement, c'est la fille de... C'est une des sœurs jumelles, parce qu'elle a une autre sœur. D'accord. Qui n'est pas actrice, mais qui... Et en effet, bon, bah... Elle a de bons gènes pour elle. C'est classe, quoi. Je veux dire, enfin, franchement, dans le. Oui, puis en plus, c'est maintenant, elle est reconnue internationalement. Oui, c'est en plus, qui a joué des gros rôles à l'international. Non, puis le son, la lumière, enfin, je veux dire, c'est franchement, non, c'est très très sympa. J'ai hâte que le deuxième sorte, parce que c'est vrai qu'on reste, sur notre fin, ce qui est logique d'ailleurs, parce que c'est fait en deux fois, mais c'est vrai qu'on a vraiment hâte de voir le deuxième, quoi. Et puis, il y a une adaptation qui va arriver, hein, c'est Les Trois Mousquetaires, réalisé par Bill Thomas, avec Malachi Poulam-Lachman dans le rôle de D'Artagnan, Ben Freeman dans Athos, David O'Malley dans Porthos, et Jacques Magnani Aramis, et James Cosmo qui jouera Richelieu. Donc, comme c'est un truc qui marche bien en France, bah, les Américains aiment bien rapidement en remettre un derrière, hein, pour remettre, même si c'est pas leur culture spéciale au départ, mais bon, dire « ouais, on est capable de... » Ben, quand on voit le nombre de films effectivement, qui ont été tournés sur Les Trois Mousquetaires, c'est la preuve que effectivement, dans différents pays, ils ont fait des adaptations. On voit que Dumas, comme Jules Verne, sont des gens qui sont... Exactement. Multi. Cette intrigue en plus entre. Voilà. Et puis, justement, petit aparté, je trouve que c'est dommage, vu la richesse de nos romans, on nous met des scénarios qui sont minables, des fois, alors qu'on a une richesse de romanciers français, et on pourrait français et internationaux. Mais c'est pas la peine de payer des scénaristes pour faire des navets des fois, avec des scénarios qui sont vraiment minces comme un fil de rasoir. Et voilà, on pourrait adapter. Suffit de lire un peu, d'aller dans les bibliothèques, vous trouverez des chefs-d'œuvre de l'histoire française et internationale, très intéressant, avec des héros méconnus. Exactement. Et voilà. Donc, après, effectivement, il faut que ça... faut que les spectateurs accrochent, parce que c'est vrai qu'il faut quand même une histoire qui soit quelque chose de connu, et puis après c'est une question de budget, c'est une question de pas mal de choses. Quoi, je donne toujours l'exemple de Braveheart. Qui connaissait William Wallace, à part les historiens et les gens qui s'intéressaient à l'histoire de l'Écosse? Mais très bon exemple, parce que c'est vrai que après tu vois le casting aussi, c'est Mel Gibson quand même, hein, donc c'est Mel Gibson, Sophie Marceau, puis il incarne vraiment John Wallace, quoi, c'était donc non, mais je donne toujours cet exemple parce que c'est voilà, en plus actuellement on voit que des séries comme Game of Thrones, comme le Viking, ça, il y a un intérêt un petit peu pour l'histoire entre guillemets, ouais. Et donc il y a... On a juste à fouiller un petit peu, aller lire les histoires. Moi, je vois régulièrement, je trouve déjà l'exemple de Bertrand du Guesclin en France, qui a été un des plus gros personnages du Moyen-Âge et qui est considéré aussi bien pendant la guerre de Cent Ans que c'était un des maréchaux de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, ouais. Et après, il a eu une carrière en Espagne. C'est lui qui a réunifié l'Espagne. Après la guerre de Cent Ans, il est parti avec ses troupes. C'était un Breton à l'origine. Il est parti et c'est une histoire fabuleuse. Ça a été adapté une fois au cinéma. C'est ce que je veux dire, il n'y a pas eu réellement de... Et justement, on voyait Louis de Funès dans une de ses premières apparitions dedans. Donc, mais pas en comique, il jouait un rôle, mais bon, voilà, donc c'est, voilà le rôle qu'ont certains de nos héros nationaux, entre guillemets, et c'est un petit peu dommage. Eh bien aussi, on a eu des adaptations pour la télévision. Alors, en 59, il y a eu Les Trois Mousquetaires de Claude Barma, une dramatique télévisée, avec quelqu'un que tu connais bien. Jean-Paul Belmondo qui jouait le rôle de D'Artagnan, et donc ça avait été diffusé une fois en direct pour le jour de Noël à l'époque. On peut retrouver dans les archives de l'INA. D'accord. En 69, on a... Ah bah oui, effectivement, tu as raison, parce que justement, c'est assez marrant, parce que toi, dans ce film-là de 1959, si tu regardes justement sur YouTube, tu as une comparaison entre le moment où D'Artagnan provoque ses mieux Athos, et ainsi de suite, et c'est exactement la... Ah, je dirais pas mot pour mot. Ils ont bien... Mais à quelque chose près. Ça inspirait, quoi. Ils ont pas trop changé de virgule, quoi, toi. Et c'est assez impressionnant, parce que c'est vrai qu'on voit le comparatif des deux. Et c'est exactement ça. C'est du copier-coller, quoi. Ensuite, en 69, on a D'Artagnan, de Claude Barma, un feuilleton avec Dominique Paturel. Une adaptation sympa. Donc, à l'époque, on faisait aussi pas mal d'adaptations de romans français. Et, Dominique Paturel, on le connaît surtout pour ses rôles de doublage. Mais bon, il a fait quelques films et téléfilms assez sympathiques. Ensuite, on a eu le droit en 78 à D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, un téléfilm russe de Gorgui Djoungval-Kilevitch. Ensuite, en 2004, on a eu le fameux Milady de José Dayan, qui écrit beaucoup pour la télé, hein. Entre autres, bah, la série des Capitaines Marlowe, c'est elle. C'est quelqu'un. Oui. Il y a plein d'adaptations. Les Rois Maudits, par exemple, c'est elle aussi qui avait réadapté la deuxième série. Donc, il y avait Ariel Dombal qui jouait le rôle de Milady. Martin Lamotte qui jouait l'ancien bronzé qui jouait le Richelieu. Et Florent Pagny qui jouait D'Artagnan. Ah oui. Une adaptation qui suit les péripéties du roman, mais selon le point de vue de Milady, donc c'était assez intéressant. En 2005, D'Artagnan et les Trois Mousquetaires de Pierre Aknin, avec Vincent Elbaz dans le rôle de D'Artagnan, Emmanuel Béard qui jouait Milady, et Cheikh Icario qui jouait Richelieu. C'était assez sympathique, un bon casting aussi. Oui, un bon casting. Ouais. Et une belle adaptation. La série télévisée Young Blades, donc là vraiment américain, j'avais regardé un petit peu un ou deux épisodes. Bon, c'est très américain dans la façon de traiter. En 2014-2016, on a eu alors The Musketeers de Adrian Hodge. Pareil, là, une adaptation un peu à l'américaine, mais très sombre. En ce moment, on aime bien les films historiques, donc ça a été remis un petit peu. Pareil, j'ai vu le premier épisode, ça c'était vraiment très sombre. Et alors là, l'internationalité va subir vraiment, puisque 2014, on a une série télévisée sud-coréenne. Ah oui. Qui a mis en place Les Trois Mousquetaires, donc... Vous voyez, vraiment, sujet international. Donc, il y a eu bien sûr, pour terminer, quelques adaptations en dessin animé et films d'animation. La mini-série Tom et Jerry, à un moment, il y a un épisode, c'est Les Deux Mousquetaires. J'ai eu l'occasion de la voir, bon, ça a passé assez rapidement. Le troisième est parti. D'Artagnan et l'Intrépide, donc un film d'animation long métrage réalisé par Joss Halas. On a eu Les Trois Mousquetaires, une série d'animation avec des personnages d'animaux animés, donc c'était assez sympa. Sous le signe des Mousquetaires, une série d'animation. Albert, le cinquième mousquetaire, que pas mal d'enfants ont vu à la télé, je pense, à l'époque. Les Trois Mousquetaires, le dessin animé de Good Time d'Home Video Corps. Une version Disney, Mickey, Donald, Dingo, Les Trois Mousquetaires, par Walt Disney Pictures. Donc pareil, bon, le thème est repris en dessin animé. Et Les Trois Mousquetaires a même été un film de marionnettes de Janis Cinemanis, tchèque si je ne me trompe pas. Ensuite, on a eu Shin Janichi, une série de marionnettes japonaises sur Les Trois Mousquetaires. On a même eu le droit en 2009 à un Barbie et Les Trois Mousquetaires. En 21, D'Artagnan et les Trois Mousquetaires de Tom Garcia et Milady par Sylvain Vénère et Frédéric Bibel aux éditions Futuropolis. Donc, comme tu l'as pu le voir et que vous avez pu le voir, chers auditeurs, les Trois Mousquetaires ont encore un grand avenir. Ils ont eu un grand passé, un grand présent et un grand avenir au niveau international. Et si ça peut pousser les gens à lire un petit peu aussi, à retourner vers les livres pour découvrir, comme je disais tout à l'heure, de nouvelles œuvres et puis peut-être avoir des futurs réalisateurs et producteurs, puisqu'à l'époque du grand Hollywood, bah, c'était des gens qui lisaient beaucoup et qui avaient une bonne culture. Donc, ils étaient partie prenante pour aller investir après dans des films parce que il savait que déjà derrière, il y avait à suivre. Donc, si ça peut aider à la culture, pourquoi pas. Nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage spécial Trois Mousquetaires. Un grand merci à Pierre, notre invité. Merci, Guillaume, de m'avoir invité. Et oh bah, avec plaisir. Eh bien, comme d'habitude, il y a les sorties cinéma. Donc là, justement, on a réactualisé l'émission en mettant vraiment les sorties qu'il va y avoir dans cette fin janvier, début février. Alors d'abord, on commence par notre partenaire des CGR Centre de Tours. Il y a le fameux Les Saisons Hanabi du 28 janvier au 3 février, ce festival du cinéma japonais en version originale sous-titrée, avec tout d'abord Mon Grand Frère et Moi le 28 à 18h15, La Fille de Combini le 29 à 19h30, Fais-moi un signe le 30 à 19h45, Cham le 31 à 19h30, Sacré Fruise le 1er février à 13h45, qui sera le premier film de ce dimanche, et puis on aura Love on Trial qui sera aussi le 1er février mais à 18h15. Ensuite, on a Seppuku, l'honneur d'un samouraï, qui sera le 2 février à 18h15. Et pour terminer, Et sous le ciel de Tokyo, le 3 février à 18h15. Alors, si vous êtes fan de cinéma asiatique et japonais, eh bien, c'est le moment. En plus des versions originales sous-titrées, donc ça sera accessible pratiquement à tout le monde. Ensuite, eh bien, les avant-premières, on aura le droit à LOL 2.0. Alors ça sera le vendredi 6 février à 19h50, une comédie. Puis on aura Hurlevent le mardi 10 février à 20h15. Et puis on continuera avec les soirées cultes. Et là, on aura le droit au fameux film qui a un petit peu révolutionné le huis clos et la justice, qui s'appelle 12 hommes en colère. Et ça sera le mercredi 18 février à 19h50. Mais les cinémas studios, notre autre partenaire, ne sont pas en reste, puisqu'ils vont nous proposer la Nuit des conservatoires 2026, qui sera le 30 janvier, en partenariat donc avec le Conservatoire de Tours. Alors, on aura à 14h, Il était une fois Michel Legrand, de David Herzog, avec un showcase vocal par deux chanteurs du conservatoire en avant-séance. Puis à 16h15, Ennio de Giuseppe Tornatore avec une interprétation des deux morceaux du maestro par un guitariste et un violoniste du conservatoire en avant-séance. Et on terminera à 10h15 avec le film Sirocco et le royaume des courants d'air de Benoît Chieux avec une rencontre avec Pablo Pico, le compositeur de la musique de ce film. Une séance programmée et animée par le Ciné-Club Musique de Jazz à Tours. Donc vous voyez, c'est assez éclectique ce programme et il y a toujours plein de choses. On voit que nos partenaires se décarcassent pour toujours nous présenter des activités très différentes comme les avant-premières ou les festivals. Donc Tours est vraiment, on est gâtés, on a la chance d'avoir beaucoup d'activités cinématographiques. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les horaires et les films à l'affiche de nos partenaires, les CGR Centre et de Lyon de Tours et les studios de Tours. sur leurs sites respectifs. Donc, n'hésitez pas, vous aurez tous les détails et toutes les dernières sorties. Et on en avait parlé un petit peu dans le spécial sortie 2026. Eh bien oui, il y a déjà des gros morceaux qui sortent dès le mois de janvier-février. Nous voici arrivés enfin à la fin de ce cinépage spécial Trois Mousquetaires. Un grand merci à Pierre, à qui nous pensons aujourd'hui, et à qui nous rendons un dernier hommage, qui était, puisqu'il était notre invité, comme vous aviez pu le voir. J'espère, pour ceux qui le connaissaient et ceux qui ne le connaissaient pas, qu'il vous aura aussi donné envie d'être invité à notre émission. Donc pour cela, n'hésitez pas à contacter Radioactive et on se fera un plaisir de communiquer avec vous puis de trouver un moment pour enregistrer votre cinéphage. Nous vous retrouverons bien sûr sur nos antennes avec Vincent qui était encore aujourd'hui à la technique et qui connaissait bien Pierre également. Donc nous vous retrouverons dans un prochain cinéphage dans 15 jours en alternance avec notre autre émission Sérivore qui est elle sur les séries comme son nom l'indique. Eh bien en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye Pierre et tous les fans de cinéphages.